In a moment, you can hear the complete scene at the Gare du Nord again. But first... Je suis. Je ne suis pas. Je comprends. Je ne comprends pas. Vous êtes. Vous n'êtes pas. Vous comprenez. Vous ne comprenez pas. Il est. Il n'est pas. Il comprend. Il ne comprend pas.